Chapitre 50e, Alger. Longtemps, il avait détesté les bateaux. Pour lui, au Sinmani, ils étaient tous responsables de son malheur, de sa fracture. On l'avait arraché à sa terre avant qu'il y ait posé le pied. On lui avait ôté le sein maternel alors même qu'il n'était pas encore sevré. On l'avait privé de sa mère, de ses sœurs, de ses racines. On lui avait volé son identité. On l'avait pris tel un paquet et d'autorité on l'avait emmené dans un autre pays, un pays qui n'était pas le sien, et qui ne désirait pas tellement l'accueillir. On avait décidé pour lui sans même lui demander son avis. Dès lors, il avait eu beau pleurer de tout son sou, les bras de Latifa ne pouvaient le consoler, bien au contraire. Il aurait préféré qu'elle le laisse se vider de toutes ses larmes. Il avait tant besoin de s'épancher. Le jour du départ, avant même qu'il puisse l'exprimer, une brèche profonde s'était ouverte en lui, une faille large au contour bien défini, une ouverture dans laquelle il allait se réfugier quand la coupe était pleine, et elle l'avait été souvent. Il n'en voulait pas, lui, de ce pays froid et pluvieux. Il détestait la neige qui salissait tout. Il détestait devoir constamment se couvrir. « Ossine, n'oublie pas ton écharpe, sinon ton nez va recommencer à couler. » Il n'aimait pas les draps froids et humides. Il n'aimait pas davantage les divers appartements dans lesquels la famille Boucharif s'était successivement tassée. Il devait constamment partager sa chambre avec Malik. Il détestait les lits superposés, car il héritait toujours de la couchette du bas, comme s'il était un petit ange. Pourtant, il faisait bien plus attention que Malik. Mais Latifa s'obstinait à le traiter différemment, comme une porcelaine précieuse. Ainsi, à table, il héritait toujours du plus gros morceau de viande alors qu'il ne demandait rien. C'était devenu lassant. Latifa avait beau jeu de dire que c'était parce qu'il fallait l'engraisser un peu. Il avait rapidement compris que la véritable raison n'était pas là. Il savait parfaitement qu'elle redoutait qu'il se plaigne un jour à sa mère. Petit à petit, sans que personne n'y trouve rien à redire, il était devenu un pseudo-Boucharif. Il s'était senti comme annexé, sans vie ni désir propre, se contentant juste de suivre le mouvement. Chaque jour, il s'était vu céder du terrain et chaque jour, il s'était senti un peu plus malheureux. Chaque jour, sa mère lui manquait un peu plus, car pendant longtemps, il n'y avait pas eu de contact avec le bled, parce qu'il n'y avait pas le téléphone. Sans qu'il puisse l'expliquer, il ne cessait de redouter le pire pour elle et ses sœurs. Il se reprochait constamment de ne pas être resté à leur côté, pour les aider, les protéger, comme seuls les vrais hommes doivent le faire. Là était le fond du problème. Pendant longtemps, il ne s'était pas senti homme, et Malik le lui avait fait bien sentir à sa façon. Pour tout le monde, Malik était le courageux de la bande. À d'autres, c'était surtout un casse-cou doublé d'un inconscient qui ne tenait jamais en place. Malik semblait avoir un besoin constant de se mesurer aux autres pour prouver sa valeur, mais aussi il n'avait pas été long à le percer à jour. En fait, il ne faisait qu'imiter Brahim, le taurillon. Celui-là, oui, aussi il l'avait toujours redouté, et pas seulement à cause de sa force. Brahim parlait peu, et quand il ouvrait la bouche, c'était avec rudesse. Ossine avait rapidement compris que celui-ci ne l'appréciait pas. Avait-il vu clair en lui, bien avant tout le monde, c'était possible, le garçon ne manquait pas de finesse. Aussi, il ne lui avait jamais donné l'occasion de lui reprocher quoi que ce soit. Ossine avait décidé de filer doux et de feinter le plus possible. Contrairement à Malik, il avait décidé de travailler à l'école non par goût réel, mais parce qu'il avait compris que son unique porte de sortie était là. Ce soir, sous la douce lumière du jour déclinant, il se souvenait encore de son tout premier jour d'école. Il était sagement allé s'asseoir et, cette fois, il avait été content que Malik vienne se mettre à côté de lui, parce que jamais encore, il ne s'était senti aussi perdu. La nouvelle école était tellement plus grande que l'autre. Des grands avaient pris un malin plaisir à le bousculer, et il avait dû fortement se retenir de ne pas pleurer. La maîtresse avait demandé de faire un dessin, et Ossine avait vu avec horreur Malik se pencher sur son cahier, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il avait accompagné son geste d'un sourire railleur qui l'avait profondément humilié. Comme toujours, il avait préféré se taire. Cependant, la nuit suivante, il s'était tourné et retourné dans son lit, avant d'arrêter une position définitive. Le lendemain, il avait demandé à la maîtresse, dont il avait depuis oublié le nom, s'il pouvait se mettre au premier rang, parce qu'ainsi il y voyait mieux. Celle-ci avait volontiers accédé à sa demande, et de ce jour, Ossine s'était mis à très bien travailler, alors que Malik commençait déjà à décrocher. Ossine s'était accroché, ne perdant jamais son objectif de vue. Il voulait réussir. Les années passant, on avait fini par installer le téléphone au bled et l'année de ses 12 ans, Ossine avait enfin pu entendre la voix lointaine et légèrement éraillée de sa mère. La conversation avait été très courte et finalement assez décevante, mais Ossine en avait cure. Il l'avait enfin entendue. Elle lui donna le courage nécessaire de redoubler d'efforts. Il l'imaginait belle et fière. Bien sûr, en rentrant au pays, il s'était aperçu qu'il s'était trompé du tout au tout, mais il ne regrettait en rien sa décision. Il avait juste été un peu déçu qu'elle ne l'accueille pas au bateau avec ses 2 sœurs. Il avait débarqué au petit matin, mais personne ne l'attendait. Il ne s'était pas démonté pour autant. Il avait pris une chambre en ville, dans un hôtel qui avait une allure assez convenable. Il avait assez bien négocié le prix. Son arabe était un peu hésitant et avait de fortes intonations françaises, mais pas si fortes cependant pour qu'on le prenne pour un touriste. Le réceptionniste l'avait regardé d'un œil fatigué, ayant visiblement compris que ce n'était pas avec un tel client qu'il se ferait du gras. Il avait rapidement défait sa valise, puis était ressorti, car il avait rendez-vous dans un cabinet d'avocat qui avait pignon sur rue à Alger. Curieusement, il n'avait eu aucun mal à se repérer. Il avait immédiatement trouvé l'adresse. Au moins était-il récent. L'intérieur du bâtiment était propre et cossu, ce qui lui inspira tout de suite confiance, même si l'accueil se révéla assez impersonnel. Visiblement, la fille, voilée de l'accueil, ne savait pas trop où le situer. Il avait trop bonne prestance pour être un miséreux. Ses effets étaient simples, mais saillants. Pour un peu, elle l'aurait pris pour un étranger avec sa peau presque blanche et son arabe un peu maniéré. Elle n'en annonça pas moins son arrivée par le biais d'un téléphone multifonction. Après un bref échange, son regard avait changé. Elle paraissait sincèrement surprise. Elle le pria aimablement d'attendre quelques instants. On venait le chercher. Ossine Mahani s'était alors assis dans le salon d'attente. Une autre jeune fille, non voilée cette fois, lui demanda s'il voulait un rafraîchissement, ce qu'il accepta bien qu'il n'avait pas vraiment soif. Il choisit un thé à la menthe, beaucoup trop sucré à son goût. Heureusement, la menthe était fraîche. Elle devait pousser dans les environs et elle avait une senteur particulière. Soudain, son interlocuteur parut. Le docteur Rachid El-Hassim était exactement comme Ossine Mahani se l'était imaginé. Assez grand, mais déjà bien trop enveloppé. Il portait des vêtements de bonne coupe, visiblement faits sur mesure. Il semblait très à l'aise. Il pria courtoisement Ossine Mahani de le suivre. Les 2 hommes empruntèrent une série de couloirs avant d'arriver sur le seuil d'un grand bureau dans lequel régnait un ordre rigoureux. La table de travail était comme son propriétaire, large. Le plateau était recouvert de cuir épais et un liseré d'or courait tout le long des bords. Un lourd cendrier en onyx s'était posé en haut à droite. Ossine Mahani comprit vite qu'il n'avait qu'une fonction décorative. Il servait de porte-carte. Le docteur lui proposa une nouvelle fois un rafraîchissement. Cette fois, Ossine Mahani déclina. « Alors, comme ça, tu as choisi de revenir ?» attaqua le docteur en français. « Oui, » répondit laconiquement Ossine Mahani, faisant d'entrée bien sentir à son interlocuteur qu'il n'avait guère l'intention de s'étendre sur le sujet. « J'ai eu en ligne l'assistante de Maître Gerson. Gerson, Maître Gerson. Gerson, Gerson, peu importe. Il m'était rapporté que tu es très capable, et des garçons capables ici, c'est ceux dont on manque. Il paraît que tu as une spécialité en droit international, ce qui n'est pas exactement mon business. Moi, je m'occupe essentiellement du droit de la famille. Mais je cherche à me diversifier, alors, si cela t'intéresse. Je possède une petite notoriété. Tu parles anglais? Oh, c'est bien, du moins, je crois. Alors, tu pourras m'aider. J'ai quelques clients étrangers. Ça me sera utile de savoir ce qu'ils veulent. Jusqu'à présent, c'est ma nièce Aïcha qui m'aide, mais cela gêne certains clients. Tu loges en ville? Oui, au Miramar. Il est pas mal, mais prends plutôt un appartement. Ceux des nouveaux quartiers sont très corrects. Le loyer est un peu élevé, mais si tu viens travailler avec moi, je pourrais peut-être faire baisser un peu le loyer. Bien sûr, il faudra que tu fasses tes preuves. Tu verras ici, ce n'est pas facile. Il y a de l'argent, mais il faut aller le chercher. C'est vraiment curieux que tu sois revenu. D'habitude, ne prends pas ça pour un reproche, bien au contraire. S'il y en avait plus comme toi. Seulement, j'ai peur que tu ne sois déçu. Alger n'est pas Paris, tu le comprendras vite. Tu peux commencer quand? Qui t'a dit que j'allais accepter ta proposition? Répondit calmement Ousmane Mani. Ousmane Mani n'avait pas été peu fier de la façon dont il avait mené ce premier entretien. Naturellement, le docteur lui avait joué la comédie quand ils en étaient venus à parler rémunération, mais Ousmane Mani s'était montré particulièrement ferme. L'autre n'avait eu d'autre choix que de céder, car il savait très bien que son arrivée à Alger était loin d'être passée inaperçue. Pour un peu, il aurait eu les honneurs du journal local, ce qu'il ne souhaitait à aucun prix. D'autres cabinets l'avaient déjà contacté, mais aucun ne l'avait vraiment séduit. Il avait demandé à ne commencer qu'en début de semaine suivante. Avant tout, il devait s'installer et surtout, il voulait voir sa mère et ses sœurs au plus vite.